Reparlons un peu des verbes avec me, te, se, etc. Rencontrer se dit incontrare. I-N-C-O-N-T-R-A-R-E. Notez bien le I au début. Ce n'est pas un E, à la différence du français. Incontrare. Alors, comment dites-vous se rencontrer? Incontrarsi. Très bien. Incontrarsi. Et donc, nous nous rencontrons. Incontriamo. Incontriamo. Oui. Ci incontriamo. Ci incontriamo. Nous nous rencontrons. Et nous nous rencontrerons demain. Comment direz-vous ça? Ci incontriamo. Non. Si, on peut utiliser un présent, mais au futur, qu'est-ce que ça donne? Nous nous rencontrerons. Le verbe c'est incontrare. Oui, ou plutôt incontrarsi. Mais il se comporte comme incontrare, c'est-à-dire comme un verbe en are. Alors c'est incontreremo. Attention, la terminaison qui correspond à nous est effectivement remo au futur. Mais avec les verbes en are, le a de l'infinitif devient e. Donc pour la terminaison qui correspond à nous, nous avons eremo au futur. Alors reprenons. Nous nous rencontrerons demain. Ci incontreremo domani. Ci incontreremo domani. C'est ça. Je préfère se dit preferisco. C'est une forme un peu particulière du verbe preferire. Comment diriez-vous? Je préfère le faire comme ça. Preferisco. Preferisco. Preferisco. Preferisco farlo così. C'est ça, oui. Preferisco farlo così. Et maintenant, vous allez poser une question. Préférez-vous le faire comme ça? Preferisque? Non, ça s'écrit effectivement SC, mais comme il y a un E après, ça se prononce préféri. Préférisché? Oui, mais attention à l'accentuation. On insiste sur la fin uniquement au futur. Préférisché. Préférisché farlo così? Bien. Préférisché farlo così? Oui. Et qu'est-ce que vous préférez? Comment diriez-vous ça? Così. Non. Qu'est-ce que? Che cosa? Oui. Che cosa preferisce? C'est ça, voilà. Che cosa preferisce? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, savoir se dit sapere. Sapere, c'est ça. Et je sais? Ça. Ça, c'est vous savez. Il sait ou elle sait. Ah, so. So. So. So. Et donc, je ne sais pas, mot à mot en italien, je ne le sais pas. Non lo so. Non lo so, oui. Dites maintenant pourquoi ne le savez-vous pas? Perché non lo sa? Bien, perché non lo sa? En italien comme en français, on sait quelque chose, mais on connaît quelqu'un. Pour dire « je sais », on dit « so ». Et pour dire « je connais », c'est « conosco ».« Conosco ». Donc, comment diriez-vous « je ne la connais pas » ?« Non la co... » Je ne me rappelle plus. « Conosco ».« Non la conosco ». C'est ça. « Non la conosco ». Alors, l'infinitif « connaître », c'est « conoscere ». Conoscere. Si je connais se dit conosco, comment dit-on vous connaissez? Conosce. Conosce. Très bien. Conosce. Dites maintenant, est-ce que vous la connaissez? La conosce? C'est ça. La conosce. Et vous donnerez comme réponse, je la connais très bien. La conosco molto bene. Bien, la conosco molto bene. Demander se dit domandare avec un O ou alors chiedere. C-H-I-E-D-E-R-E. Chiedere. En insistant bien sur la première syllabe, sur le premier E. Chiedere. Sachant cela, comment diriez-vous? Pouvez-vous lui demander de m'attendre, si le « lui » en question est un homme? Nous avons déjà vu ça, ce « lui », qui est en fait « à lui », demander « à lui ». Commencez par dire « pouvez-vous lui demander... » Può... Lui demander... Demandare. Domandare. Il y a un « o », domandare. C'est un peu différent du français. Alors, dites-moi, pouvez-vous lui demander... Lui, c'est... Li. G-L-I. Ah oui, li. Ah, j'ai un peu de mal avec ce li. Alors, può... Può? Può domandargli? Oui, allez-y. Può domandargli. Può domandargli de m'attendre? Di aspettarmi. Oui. Può domandargli di aspettarmi. Può domandargli di aspettarmi. Maintenant, essayez de dire la même chose en utilisant chiedere. Può chiedergli di aspettarmi? Chiedergli, chiedergli. On garde la même accentuation qu'à l'infinitif seul. Chiedere, chiedergli. Può chiedergli di aspettarmi? Può chiedergli di aspettarmi? Bien. Comment diriez-vous maintenant? Pouvez-vous lui dire de m'appeler plus tard? Può. Può, oui. Lui dire. Gli. Di. Gli. Ah, pardon. Può dirgli. Può dirgli, bien, de m'appeler plus tard. Di. M'appeler. Appeler. Oui. Chiamo. Chiamare. Oui. D'accord, chiamare. Ou alors, télé. Téléphonare. Téléphonare. Alors, reprenons depuis le début. Pouvez-vous lui dire de m'appeler plus tard? Può dirgli? Oui, de m'appeler. Di chiamarmi? Bien, plus tard. Più tardi? Voilà, oui. Può dirgli di chiamarmi più tardi?